Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard. Bonjour, aujourd'hui dans Au fil des pages, nous reprenons notre conversation avec Nadine Satia, l'auteur d'Un mot passant, une grande biographie parue chez Flammarion, qui est sortie il y a peu de temps et qui a reçu le prix Pierre-Georges Castec de littérature française, décerné en 2004 par l'Académie des sciences morales et politiques. Nadine Satia, bonjour. Bonjour Hélène. Nous avions évoqué la dernière fois les années de jeunesse de Maupassant et ses liens avec Flaubert. Flaubert meurt en 1880, l'année où paraît le Boule de Suif de Maupassant. Est-ce que Flaubert avait au fond donné un feu vert à l'écrivain Maupassant ? Ça, c'est la légende. En vérité, Flaubert n'a lu Boule de Suif que sur épreuve. Et effectivement, lorsqu'il l'a lu, il a été stupéfait de la maîtrise à laquelle était parvenu son disciple, qui jusque-là lui avait paru, disons, comme on dit en patois cauchois, un peu caleux, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est-à-dire un peu dilettante. Un peu paresseux. un peu paresseux, oui. C'est tragique parce que le succès de Boule de Suif a coïncidé avec la mort de Flaubert, qui était qui a creusé un énorme trou dans la vie de Maupassant, qui perdait là peut-être le seul ami qu'il avait à l'époque, puisqu'il était quand même relativement, pas maintenu à part, mais un peu à part quand même du groupe des cinq, donc Alexis, Séard, Hénique, etc., qui avaient écrit les Soirées de Médan. Boule de Suif est tout de suite apparu à tout le monde comme la nouvelle qui dominait le recueil, et même comme plus forte que L'attaque du moulin, qui était le texte que publiait Zola en tête du même volume. Et ça l'a propulsé tout de suite dans les journaux, puisqu'on lui a demandé tout de suite d'écrire des nouvelles, de tenir une chronique. Et lui, qui était jusque-là un employé relativement pauvre, il faut bien le dire qu'il a vraiment tiré la langue pendant 6 ou 7 ans, un petit peu mieux dans les ministères, voilà, et dans les bibliothèques. D'abord à la Marine, où il était martyrisé. Très malheureux. Oui. Et puis ensuite à l'instruction publique, où là, quand même, il a attiré l'attention de ses chefs. N'a-t-il pas été aussi bibliothécaire de la Mazarine ? Non, ça c'est la fonction. C'est la fonction honorifique qu'on a donnée à Flaubert sous prétexte d'emploi pour lui donner une rente qu'il ne voulait pas accepter seulement à titre honorifique. Alors vous parliez des journaux et c'est effectivement l'un des intérêts, des grands centres d'intérêt de votre ouvrage consacré à Maupassant, c'est de comprendre comment il a beaucoup écrit dans la presse de l'époque. Il a écrit essentiellement des nouvelles, des contes, des textes donc relativement courts pour la presse, adaptés au feuilleton quelquefois et adaptés à la presse. Ce n'est pas tout à fait pareil que d'écrire pour des livres directement. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il a gardé son emploi au ministère de l'Instruction publique comme filet pendant 1 an ou 2, mais il a signé en quelque sorte avec les journaux pour fournir de la copie semaine après semaine, et c'est comme ça qu'il a subsisté. Et donc, d'une certaine manière, il s'est plié aux demandes des journaux. La longueur des nouvelles, qui est presque toujours la même, d'ailleurs, correspond au format des journaux dans lesquels il a travaillé. Et puis, la grande trouvaille, et ça, ses contemporains ont salué sa roublardise de ce côté-là, c'était à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il pouvait prendre ses contes, les verser, comme il disait, verser son sac et en faire des recueils. Et à partir du moment où ce système a été très bien mis en place, on s'aperçoit que la même nouvelle, outre que le même sujet peut fournir la matière de plusieurs nouvelles au fil du temps, mais la même nouvelle, le même texte peut être publié 4, 5, voire 6 fois. Je suppose que vous avez beaucoup vous-même travaillé dans la presse de l'époque. Oui, je veux dire, j'ai tourné beaucoup de bobines de microfilm à la Bibliothèque nationale, parce que je me suis aperçue qu'on avait négligé un très grand nombre de témoignages dont pourtant on connaissait l'existence, mais qui traçaient un portrait éclaté dont on avait du mal, ou peut-être dont on ne voulait pas voir les paradoxes. Oui. Alors, parmi les grands thème de Maupassant, il y a la mort, la maladie, les épidémies, la guerre, le crime, l'ennui, tout ça n'est pas très gai. Oh, bah, il n'y a pas que ça tout de même. Non, il y a aussi. Il y a aussi tous les plaisirs de la chair, ça, c'est sûr. On va appeler ça comme ça pudiquement. Je vous l'accorde. Bon, et c'est-à-dire qu'on a aussi cette vision thématique, à mon avis, un petit peu caricaturale, à cause des éditions modernes. Mais en réalité, quand on regarde la genèse de l'œuvre, on s'aperçoit qu'au fil du temps, une histoire de guerre succède à une histoire normande et qui revient à une histoire parisienne. Il n'y a pas cette espèce d'effet de bloc comme ça. Et je crois que ça vient vraiment au fil de l'inspiration du moment, voire des lectures que Maupassant fait de ses petits camarades ou de ses collègues. Il n'y a pas de stratégie de... Je ne crois pas qu'il y a de stratégie thématique chez Maupassant. Il y a un caractère très obsessionnel. C'est quelqu'un qui a été marqué par la rupture de ses parents quand il avait 10 ans. Oui, par la maladie, puisqu'il était lui-même malade. Qui a été marqué par l'expérience de la guerre de 70, où il a vécu l'invasion prussienne, oui. Et la gabegie politique aussi. Oui. Il connaît bien la Normandie. Enfin, tout ça, c'est normal comme... que ça revienne dans ses œuvres. Voilà. Il y a un roman qu'on lit encore aujourd'hui beaucoup, donc Bel Ami, bien sûr, mais il y a aussi Le Horla. Alors, dites-nous quelques mots de ce roman qui est... Mais Le Horla n'est pas un roman. C'est une nouvelle. Un ensemble, oui, oui. Oui, oui, c'est une nouvelle dont on connaît deux versions, d'ailleurs. Je pense qu'on a vraiment bien à tort interprété ce texte dans un sens bien trop autobiographique. Lui-même en riait en disant, mais quand on va lire Le Horla, tout le monde va croire que je suis fou. Franchement, à l'époque, c'est 86, Maupassant était en pleine possession de ses moyens. Quand on voit les deux versions du Horla côte à côte, on se rend compte qu'ils développent des stratégies narratives très précises et très lucidement pour en faire un texte impressionnant. Mais ça marche, puisque toujours aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose qu'il a vécu. Mais bien sûr que non. Ah oui, c'était bien avant qu'il soit lui-même atteint de... Oui, bien avant que les symptômes qui commencent à souffrir de déficit intellectuel, bien sûr. Oui, c'est évidemment aussi les pages qui sont les plus émouvantes dans votre ouvrage, Nadine Satia, consacrée à Maupassant, c'est cette maladie au fond qui a touché sa mère, son frère, et qui ont fini tous internés. Ah non, son frère a été interné, oui. Oui, oui. Je crois que c'est un aspect un petit peu nouveau dans cette biographie que de s'intéresser ainsi à la maladie de sa mère. Sa mère souffrait d'une déficience thyroïdienne. Oui. Et nullement d'une maladie. Oui, mais ça lui donnait des comportements un peu violents. Exactement. Et qu'on pouvait assimiler à la folie. Voilà. Et comme personne ne comprenait ce qu'elle avait, en fait, l'inquiétude de la maladie et de la folie était présente chez Maupassant bien avant que lui-même n'en ressente les premières atteintes. Et quant à l'expérience de son frère, et à la mort et à l'internement de son frère, c'est très tardif dans sa vie, c'est 89, c'est pratiquement à la veille de son propre effondrement. Je dois dire que quand on lit votre biographie, on voit des pages qui scandalisent quelquefois de Maupassant, d'un Maupassant un peu cynique, un peu désabusé. Et puis, il y a des pages d'émotion, justement, la page où il parle de son frère, atteint, interné, enfin bon. Il y a ces deux aspects du personnage, il est à la fois grand vivant et jouisseur et à la fois désespéré. Oui, j'aime pas trop ce mot de cynisme, si vous me permettez, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été lui-même très choqué par son expérience personnelle. Je pense que c'est quelqu'un qui avait une immense... Sans que jamais cela se convertisse en conviction politique, je pense que c'est quelqu'un qui avait une immense compassion pour la créature en général. Et quand je dis la créature en général, pas seulement les prostituées, bien sûr, c'est aussi bien homme qu'animaux, enfin, c'est pour la créature dans son ensemble, et que il était tellement déchiré, tellement pudique, quand ça sortait d'une manière extrêmement crue et brutale, et quand c'était retenu, c'était trop retenu aussi, parce que il vivait d'une certaine manière l'émotion comme quelque chose qui le féminisait par rapport à ce que lui ressentait comme une espèce de virilité obligatoire dans le monde qui l'entourait. Nadine Satia, puisqu'on parle de Maupassant et des femmes, Maupassant aimait-il les femmes ou était-il misogyne ? Il est certain qu'il aimait beaucoup la sexualité, en général, et sous des formes qui sont parfois un peu surprenantes, comme vous avez pu le lire dans le livre. Est-ce qu'il aimait provoquer sur le plan littéraire, justement ? Est-ce que c'est un écrivain qui aimait choquer ? Je ne pense pas qu'il voulait choquer pour choquer, mais je pense qu'en revanche, il revendiquait... personnellement une liberté parce qu'il avait vu les ravages qu'avait causé dans sa famille les mœurs bourgeoises en vigueur à son époque. Donc il aimait la sexualité mais pas les femmes, c'est ce que vous dites. Mais d'une certaine manière, on pourrait le penser. En tout cas, il est certain que... Comment dire, tout est mélangé chez lui. C'est-à-dire, quand il est arrivé chez Flaubert, personne ne pensait qu'il allait devenir un grand écrivain. On n'aurait pas parié un sou sur lui. Comme je vous l'ai dit, il y a des textes très drôles de Daudet là-dessus. En revanche, il avait une manière d'attirer l'attention, c'est par les histoires de fesses absolument stupéfiantes qu'il racontait à Flaubert, Zola, Goncourt et Tourguenieff, qui pourtant était un homme d'une candeur quasi enfantine. Et... il est certain que, au début, il avait une réputation bien méritée de misogynie. Il y a dans certains de ses articles, notamment des articles sur George Sand, qui sont vraiment insupportables, enfin. Et puis, on le voit au fil du temps. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est un lien avec cette compassion qui l'envahit. On voit d'une certaine manière monter les larmes aussi. Il y a une très belle formule comme ça d'un journaliste qui dit voilà, la fontaine des larmes est ouverte. Et on le voit s'ouvrir petit à petit aux misères des femmes. Il y a des nouvelles déchirantes. Cette servante qui accouche seule de deux jumeaux qu'elle tue parce qu'elle sait qu'elle va être incapable de les élever. Ce que vous appelez de la compassion, c'est la compassion de Maupassant pour la gente féminine. Oui, et puis. Mais à part sa mère, a-t-il aimé une femme? Oui, alors, c'est ce que j'allais vous dire. Il était marié, voilà ma question. D'abord, il s'est pas marié. Et en plus, le seul type de femme qu'il admirait, finalement, c'était des femmes plus intellectuelles. Mais il lui faudra beaucoup de temps avant de rencontrer ce genre de femmes. Dans le milieu qu'il fréquente, il n'a pas l'occasion, en fait, de rencontrer des femmes aussi intéressantes que sa mère. Et c'est quand il va rencontrer dans les salons des femmes, certes, pour certaines, très morphinées et très perverses, mais d'autres aussi qui sont beaucoup plus sages et beaucoup plus intéressantes, comme Hermine Lecomte de Nuit, la femme de la mère de Pierre Lecomte de Nuit, le grand scientifique, qui lui lisait les épistolières du XVIIIe siècle. On a du mal à imaginer Maupassant comme ça. Mais oui, Maupassant a évolué au fil du temps, et des propos, des bréviaires de misogynie qu'il a écrit sur George Sand au début, il en est venu à penser que finalement, si George Sand avait pu avoir autant d'amis, de grands écrivains et de musiciens, et d'amis aussi extraordinaires, c'est bien parce qu'elle avait le sens de l'amitié et de la camaraderie. Et finalement, les romans mondains de la fin, que personne ne lit plus aujourd'hui, nous emmènent vers un monde qui est peut-être plus près du monde de la recherche du temps perdu que de ce qu'on imagine être le monde à jamais figé dans une misogynie horrible de Maupassant. Alors Nadine Satia, vous avez consacré plus de 700 pages à Maupassant dans cette grande biographie qui sort chez Flammarion. Aimez-vous Maupassant? Est-ce votre auteur préféré? Non, je ne crois pas, mais en tout cas c'est devenu un camarade. C'est devenu un camarade. En tout cas, vous nous aidez à le comprendre, pas toujours à l'aimer, parce qu'il y a quand même des passages chez lui qui sont un peu difficiles. C'est un personnage paradoxal. Très paradoxal. Et donc, vous nous aidez à le comprendre mieux, à comprendre ses souffrances. C'est un être qui a beaucoup souffert. C'est à la fois un grand vivant, un grand jouisseur, mais aussi un être terriblement désespéré. Oui, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de morale consolatrice ni dans l'œuvre ni dans la vie de Maupassant. Je pense que c'est quelqu'un qui disait blaguer ou désespérer à la fin de sa vie. Effectivement, sa vie lui a pas laissé beaucoup d'autres alternatives. Je pense qu'il a vécu une époque difficile où la Troisième République se cherchait, la valse des ministères, les hésitations législatives, un monde qui était en transition. En quelque Tout ce sorte. Monde que vous reproduisez, enfin que dans lequel vous nous plongez plus exactement grâce à votre grande biographie de Maupassant, qui est certainement une biographie qui fera date. Donc je rappelle qu'elle est parue chez Flammarion, que l'auteur c'est Nadine Satia, et que cet ouvrage a été déjà couronné de plusieurs prix. Alors, outre le prix décerné par l'Académie des sciences morales et politiques Pierre-Georges Castex de littérature française, vous avez été couronné par le prix de la critique littéraire, prix Émile Faguet, par l'Académie française, donc nous restons à l'Institut de France, mais vous avez été aussi couronné par le prix du Manoir de l'Académie des arts et belles-lettres de Rouen, et comme Maupassant est issu de la Normandie profonde, ça n'est pas rien que d'être couronné par une société savante, et votre ouvrage le mérite tout à fait. Merci Nadine Satia et à bientôt. Merci Hélène.